Il frappe la balle contre les murs, oui, tellement ça galère. De saper sans pas l'éclat, oui, en échec scolaire. Il sèche les cours, traîne devant l'école, achète des netcars pour les grands. Il fait le gay, le poster, sa famille c'est le gang. Il sait pas comment faire l'oseille, il commence donc par arracher. Avec ses deux potes, il porte des scooters attachés. Petit microbe prêt à mourir pour le quartier. En mode perdu, le ciel n'est toujours pas dégagé. GAV répétitif, votre violence en récidive. Une mère seule et dépressive, tu commences par fumer du fif de lui. Son père en a rien à pifrer. Enfant divorcé, car c'est d'alcool qu'ils sont enivrés. Les billets d'avion pour l'Afrique, ça coûte bien trop cher, zinc. Pour les vacances, tu pars chez ta tante dans le 9-5. Ça tombe vraiment bien, le juge de l'enfant l'interdit de son 9-3. C'était ça ou les foyers, c'était ça ou le placard. Mais rien à foutre, il a 16 ans, c'est la Zermie. S'entraîne à faire des levées de bécane chouré dans la TC. Et là, rien à faire, et là, rien à perdre. Et là, tout à prendre. Mais faut lui apprendre comment faire. Sans repère, il prend son pied dans la violence. Ambiance guerre de thèse, ouais. Toujours hoche pour une descente. Sauf qu'un jour, le mec d'une bonne rivale tombe dans le coma. La nuque tranchée par l'épée d'Amoclès du magistrat. Centré des jeunes détenus, de voile en tôle. Personne pour attraper l'autre. La promenade, c'est la faune. Embrouille avec deux, trois mecs. Un frelo qui sépare. Une grande amitié vient de naître, mais tu ne le sais pas. Il t'apprend que l'oseille, c'est mieux que la poisson et la fumette. Il t'a dit, si t'es chaud pour le charbon, suis-moi direct. Il t'a dit, t'inquiète, quand tu sors, viens, ça va brasser. On aura de l'argent, des voitures et des tasse-pieds. Tu rêves dans ta cellule, t'attends ton jour de sortie. Tu penses à ta mère épuisée par le taf et la zomprée. Là-bas, tu fais la prière, ouais. Tu vas chez l'aumônier, ouais. Maintenant que tu te prosternes, ouais. Et que t'as la foi qui peut nier. T'es jeune, t'es vif, tu ressors avec la pêche. Une envie de croquer la vie, wesh. Normal, c'est la dèche, personne n'empêche de faire la fraîche. Que Dieu le protège, passe de la déprime à la cime sans être en panne sèche. C'est grave comme il kiffe l'oseille. Il n'aime pas dire quand y'a rien qui rentre. Braquage à l'aide de scooter à moteur puissant. Tu prends, prends, achète ta première caisse RSV. Tu joues un cuir, des jantes et une aile dans un P. En plus y'a le boîtier, la boîte vocale en reste de meuf. Son passe-temps c'est de l'évo et de percer le coffre à la meule. Ça parle de rumeurs, de deck, de mecs qui crèvent de jalousie. Passe leur mot 06, 11, 43, bim, bim. Ça pète les plombs, ça se méfie de tout le monde. En coup de crosse, c'est dans le cul de l'amitié qu'il enfonce tout le gosse. Un sale gosse qui a grandi parmi les chacals. Ton meilleur pote te baisse, t'en vend couille dans une embuscade. Poto l'a dit, les charognards veulent que ton genre a. La daronne commence à vieillir, et voilà qu'elle tombe malade. Merde, c'est donc reparti de plus belle, cousin. Tous ces casses, tu peux les lire dans les faits divers du Parisien. Son cœur perd de sa lumière. Original Kaira, gangster, prêt à poursuivre l'euro jusqu'en enfer. Cash, bras, terrain, crack, bédo. Pas le temps de dire allô pour un coin de russe. Ça se défouraille comme Baxdel et Marlowe. La crime tourne comme un gros joint dans le hall. Il caille dehors, tout le monde a le cafard et les esprits sont chauds. Ce matin là, j'étais anxieux, bizarre. On perd pas ses couilles, mon vieux, mais je la sentais bizarre. La recette, une putain de somme à 5 chiffres, à ce qui paraît. Même accroché, on monte au crochet. Et les motards apparaissent. On suit une course-poursuite sur les trottoirs de Paris, direction périph. Les TDM et les phasers nous en veulent terrible. Vite le coq, c'est le clan des amas guéris. La tête dans les nuages, il est difficile d'atterrir. Ray, ça pète les rétros. On crée les feux, on force les rages bas. On forque la lispo, car leur coup de pare-choc était fatal. Encore un gosse qui meurt. Une famille qui pleure, un quartier en deuil, et tu crains les meutes, chronique d'un enfant perdu. Oui, oui, si, si, toujours pour ceux qui savent, pour ceux qui savent.